بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم من الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على أهل الحق والسنة. الشيخ عبيد هداه الله إلى رنتر في الفتنة، لها في جمال جدا، ما يسيب خيئة يكون للنبو الشيخ يحيى. إلى لو لردود إلى ريبوندو مسألة الجامعة ونا فيه كستيل فوندي سوغ الرفق وعلم، لكن نسأل الله العافية. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 8. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس ما يتعلق بقول الشيخ حفظه الله أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق. Et on a lu كلام الشيخ عبيد في الرد على الشيخ يحيى، ثم انا démontré ان المراد من هذه الجمله c'était pas باطل اقرب، ça veut pas dire que ils sont pas على حق ابدا، ça veut pas dire que les autres sont على حق من اهل الضلال. تقدم كلام ابن كثير، كلام الشيخ يحيى، on a cité كلام بعض العلماء، ثم on a conclu un autre تناقض. Quand الشيخ يحيى l'a dit c'est un باطل، c'est un انحراف، c'est une bid'a، il faut plus étudier chez lui. Et علماء avant Cheikh Yahya ils ont dit هذا ولا كلمة، لأن الكلام c'est pas du باطل أبدا، لكن كما تعلمون أن le manque d'insaf c'est هذا. Si tu veux une définition du manque d'insaf c'est هذا، quand une personne a dit une chose tu reproches، quand c'est une autre tu te tais، manque d'insaf. أين العدل؟ C'était juste un باطل qui vient de Mohammed ou de Ibrahim، c'est un باطل. Il vient de Zayd ou de Ubaid, c'est un batil. Lakin, le manque d'insaf, c'est هذا. Par rapport à la personne, il s'adapte. Lakin, on répète, ces masaïl, c'est du din. Hein. C'est une fitna. C'est une hizbiya. C'est du din. Haqq et batil. Celui qui parle via là, il doit parler via haqq. On ne défend pas une entreprise. Abatan. Là, kalam din, tu rendras des comptes yom al-qiyamah. Hatta umur dunya, tu défends une entreprise, tu la défends bihaq. Tu auras des comptes à rendre yom al-qiyamah, tu n'as pas le droit de mentir. Hatta fi umur dunya. Tu n'as pas le droit d'être injuste. Hatta fi umur dunya. Qala azza wa jalla, waqad khaba man hamala dhulma. Waqad khaba. Ah, il va perdre celui qui est zalim. Dunya ou din, ma balouk fi din. Ma balouk. On va voir liyom kalam ajib, kadalik, des attaques par rapport à une da'wa. والله عجيب عجيب كلام نص الله الثبات. واليوم نقرأ عليكم كلام آخر للشيخ عبيد، وأظن سيري دغني ثم باسخات une autre مسألة. C'est un تناقض واضح، تناقض عجيب tellement il est clair. Annahu, il met en garde contre Dammaj. Après tout ça, Daïman, nous, on essaie de suivre étape par étape. Al-an, on est arrivé à un moment de la fitna. Il met en garde contre Cheikh Yahya, il le bedda'. Il met en garde Cheikh Yahya Kadali qui parle contre lui, il met en garde contre lui. Lakin, الذي يتأمل الكلام كما ليغي أن تناقض واضح اسمعوا قال الشيخ عبيد هداه الله وأختم هذه الكلمة بالتحذير من هذا الرجل أي الشيخ يحيى après avoir cité que c'est un مبطل que c'est un منحرف il est أحمق c'est un سوقي il n'a pas eu une نشأة علمية et il a dit أقرب طوائف إلى الحق سهل السنة donc il ne faut plus étudier chez lui il a conclu وأختم هذه الكلمة بالتحذير من هذا الرجل أي الشيخ يحيى ثم on اختصر الكلام قال كما أحذر من الوفود على مركز دماج كذلك الآن ما وقعد il ne faut plus aller à دماج لأن القائم عليه سامبتدع et tu ne peux pas étudier chez un مبتدع d'après lui إلى الآن يفطن أقول لكن اسمع قال حتى يعود إلى ما كان أسسه عليه الشيخ مقبل أي tu peux plus étudier à Dammaj لأن Dammaj ça a changé حتى ça redevient comme c'était à l'époque de الشيخ مقبل donc le marquise il est plus comme il était à l'époque de الشيخ مقبل il y a eu un changement طيب أولا الجامعة الإسلامية il y a eu un changement واضح الشيخ يحيى l'a démontré d'autres ils l'ont démontré الشيخ العباد Cheikh Mohamed ibn Hadi, Cheikh Rabi, on a cité le kalam, il n'a pas accepté ce changement. Al-An, il dit qu'il y a un changement. Awalan, hat al-dalil. C'est quoi qui a changé? C'est quoi qui a changé? Est-ce qu'il y a du shirk? C'était à la tawhid, dammaj, est-ce qu'il y a du shirk là? C'était à la sunna, est-ce qu'il y a des bida'a montre? Est-ce que les programmes ils ont changé là? Al-Mudarrisoun, c'est les mêmes. Sauf certains qui sont partis. Imma, ils sont partis une excuse, imma, ils sont morts. Imma, certains, c'est devenu des meftounis. Lakin, l'asl, c'est le même. الآن تدوى نمونتخي سيكوى كاشانجي مثلا واحد يفو على دماج يفو الحق يجي أنا كنت يبقى encore دماج المركز يفو على دماج واحد يجي لا ساشانجي هات مونتخي موى سيكوى كاشانجي تدوى نمونتخي لكن نحن بابا ستعدي شخصا لا نحن ينتناقض إلي أوضح قال dans un autre مقال il a dit quand il y a eu la guerre La deuxième. Il y a quelques mois, à ce cas-là. Quand il y a eu le deuxième Hissar, Cheikh Rabi, il a parlé. Il a dit il faut aider les frères de Dambaj, il faut aider les Sunna, il faut aider le Marquez, il faut aider. Cheikh Ubaid قال Wa min huna, fa inni adhum sauti la sauti Cheikh Rabi, wa u'ayidu. Aïe Cheikh Ubaid, il a dit j'appuie le calame de Cheikh Rabi, qu'il faut aider les frères de Dambaj. قال داعيا أهل السنة لنصرة إخوانهم في دماج من أهل السنة لنصرة إخوانهم في دماج من أهل السنة donc tu comprends que à دماج il y a des gens de la sunna لكن c'est pas ça نحن il y a encore un كلام plus clair قال وأن يسعوا في إنقاذ أهل السنة ومركز أهل السنة il l'a appelé مركز أهل السنة Alors que Huna, il dit il ne faut plus aller dans le marquise et Annahu Taghayyar. Est-ce qu'à l'époque de Cheikh Mokbel, il était à l'al-bid'a et il est devenu l'an à la sunna Ah là. Ou tu t'es contredit, une des deux. Imma, il était à la sunna et il est encore à la sunna. Donc pourquoi tu dis qu'il a changé Ou tu dis qu'il a changé, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu acceptes qu'il est à la sunna, ça veut dire qu'à l'époque, il était à l'al-bid'a. Qala, alladhi ussisa à la sunna min awwal yawm. لكن هو يجب أن على فوق الشيخ مقبل ستة على البدعة لا فبقي أنه سيكونتخدي لأن نسمع الآن إيش يقول قال مركز أهل السنة الذي أسس على السنة من أول يوم أي المركز دماج اللي يتفوندي على السنة من أول يوم على فوق الشيخ مقبل نغمان ما يدوى دير الآن يسوبي على السنة لكن سكوغيلي سيدي مسلمين Il ne serait pas contredit. Lakin isma. قال الذي أسس على السنة من أول يوم نحسبه كذلك والله حسيبه في عهد الشيخ مقبل إلى اليوم. Cette parole c'est en 1434. فلماذا en 1430 يقول أن المركز تغير. أي de السنة il est passé à بدعة. Il ne faut plus aller là-bas. لأن s'il ne faut plus aller là-bas, c'est qu'on est des مبتدعين. ثم en 1434 يقول أن المركز a été fondé à la sunna jusqu'à aujourd'hui. Qui c'est qui est à la tête du مركز C'est Cheikh Yahya. Comment un marquise il est à la sunna et celui qui a la tête c'est un mubtadi'? Ah, là c'est min al-ajaib. Comment non, ce marquez il est à la sunna, celui qui a la tête à Mubtadi'a, tous les élèves qui sont dans le marquez, ils sont avec Cheikh Yahya. Ben, ils écrivent des redoutes contre Cheikh Ubay. فكيف هذا؟ هذا زين كلام تتعجب. ثم اسمع التناقض لأن يصير الآن أن الكلام يبقى واضح. ثم قال وإن كان الحجوري يحيى بن علي قد لعب بهذا المركز. يجي ما؟ الشيخ يحيى لعب بالمركز أين ضيع المركز؟ قال وملأه بدعا ومحدثات. كم المركز إلى على السنة؟ et en même temps il est plein de bid'a. لأنه وغبت الكلام قال أسس على السنة من أول يوم أي depuis l'époque مقبل ثم قال في عهد مقبل إلى اليوم jusqu'à aujourd'hui donc on a un مركز de هذه السنة ثم القائم عليه لعب بالمركز ثم ملأه بالبدع كما يبيت على السنة إلى ملي بالبدع والمحدثات تناقض واضح حزبنا الله ونعم الوكيل حقيقة احتاج إلى رد كثير هذا الكلام اللي بقى مضبوط مركز السنة ثم إلى غفل البدع ثم القائم عليه إلى على السنة ثم يفول السكوك يقصد أهل السنة ما تفهم لكن الحقيقة أستيبوك لغير كثير من العلماء يفعلون بيان الدماج يفول السكوك الشيخ عبيد لا بقى يغسطي سول هكذا كأنه مع القوم يزون بيان بغلي شبال بيان أنفزون تنبيه طعن في الشيخ يحيى لكن تناقض لا تناقض en temps de guerre et en temps de paix il faut être juste en temps de paix et en temps de guerre il faut parler du haq فهم أما التناقض لا يفيسكي أهل السنة الآن في المركز يفيسكي si c'est pas شيخ حيزة الله c'est qui أهل البلاد دي مساكين دي عواب حتى هم يسوا بيت شيخ حيزة حتى هم الأصل c'est هذا et on l'a vu نحن pendant la guerre et après la guerre comment ils étaient إلا واحد أو اثنين أو ثلاث Ils sont contre, on le renie pas. Mais est-ce que c'est ces trois que tu vises quand tu parles de l'Al-Sunna? Ils ne l'ont pas l'ilm. Et Kathir min ha'oula qui était contre Al-Sheikh Yahya min ahl al-bilad pendant la guerre, on ne les a pas vus. Est-ce que tu parles de eux? Il y a une chose, c'est que tu te contredis. Et contradiction, ça montre que le qawl il est batil. Famine al-ajaib, et vous avez déjà remarqué l'Al-Azun? أن بعض الناس depuis le début de cette fitna ils essayent beaucoup de différencier entre le marquis et Cheikh Yahya vous avez remarqué هذا beaucoup أحيانا واحد يطعن في Cheikh Yahya il est طلاب donc il parle sur دماج ثم تطعن كلام يدي marquis دماج طيب c'est un marquis de أهل السنة il est طيب يا أخي tu parles de qui est-ce qu'à دماج il y a deux marquis un où il y a Cheikh Yahya et ses طلاب زيغاري et un autre marquis qui est à la sunna دماج c'est un marquis دماج الله سبحانه وتعالى إلا إلوبي بهذا المركز كالشيخ مقبل إلى فندي ثم شيخ يحيى وسبسدي دماج سي أن شيخ avec des élèves et avec des professeurs et avec أهل البلاد et ils sont avec شيخ يحيى ceux les élèves qui étaient pas d'accord avec شيخ يحيى ils sont partis أهل البلاد certains ils sont pas d'accord ça fait aucun mal أبدا Et Wallah, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne connaissent ni Hizbiya, ni Fulan, ni Kathir Minhum, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires ma'loum. D'aouam, c'est un film. Hada, va tata'adjab, ba'dan nas, il farraq. Il farraq. Entre le marquis et le qa'im alayhi. Ta'arifons les malades? Léana Dammaj, c'est le marquis que le Cheikh Muqbil, rahmatullah, il a fondé, bi'idnillah azza wa jal, il a une place dans les cœurs d'Ahl al-Sunnah, des salafis, des tullab ilm khassa. فلهذا بعض الناس يبقى كريتيك مباشرة هكذا لهذا يزيد حتى بعضهم يزودي مدخلنا دماش الطيب إلى سيمركز دو السنة هكذا سوف فت attention شيخ يحيى سيزلاب يا أخي شيخ يحيى سيزلاب زي المركز والله بعضهم يضيج بأميرة دماش تبقى طبع الشيخ يحيى 4-5 زلاب دون تيت موسكي المركز avec des مدرس avec des سلفي avec du علم والله بعضهم سهادة استماج كتاتة تعجب يا أخي مركز دماج تفيان سيشيخ يحيى القائم عليه اي سيزلاب ستي هكذا تي كونتر سوا كونتر avec دليل سي تي بور سوا بور نو كونتر دي با أما هكذا منزلة بين المنزلتين لا سيبا الحق هذا كذلك الشيخ يحيى كما تعلمون صافي 10 ans أو plus de 10 ans il avait succédé à Cheikh Mokbil à la tête de هذا المركز il était le responsable Lachette, pendant 10 ans, il a donné des cours. Les élèves, ils venaient de l'ilm chez lui. Ceux qui viennent à Damaj, ils ne vont pas pour aller dans les montagnes ou pour fréquenter Ahl al-Bilad, les villageois. Là, là. Ceux qui viennent, c'est pour tlab l'ilm, indel shir. Pendant 10 ans, Cheikh Yahya, il a éduqué ce tolab, il leur a donné du ilm. Il a répondu à Cheikh Ubaid, les tolab, ils ont entendu. La plupart, ils étaient d'accord. Certains, ils n'étaient pas d'accord, ils sont partis. Donc, tu ne peux pas faire la différence entre Cheikh Yahya et les tolab. Les Anabardoum, ils font la différence entre Cheikh Yahya et les tolab. Ils disent, na'am, Damaj, mashallah, ils sont à la khair, mais faites attention à l'hadjouri. Madame, ceux qui sont à demain, ils ne seraient pas d'accord, ils partent. Kadalik, Kayf, on répète, Kayf, cette dar, dar al-hadith, Dammaj, dar salafiyya, el qa'im alayha sa mubtaji'a. Kayf, c'est comme si tu dis, le marquis, un marquis quelconque, ils sont à la sunnah, et leur cheikh, c'est un tablighi. Leur cheikh, c'est un ikhwani, leur cheikh, c'est un hizbi. Qui c'est qui va croire à Hala? Les élèves, ils sont avec le shir. C'est ça l'asr. Hala, les surah, les ajiba jidda. Ils sont dans Dar, illa parce qu'ils le suivent. Ala al-haq. C'est pour ça qu'ils sont partis étudier chez lui. Ils ne voudraient pas de lui, ils iraient chez un autre. Allah al-musta'an. Hala, tanaqat al-haqiqa, les ajib. Et l'asuf, c'est passé hakada. Wala kalima. Kannahu, c'est normal. Akhtar min hala, ma talafada bihi. أحد الحاقدين وهو أسامة العتيبي فنظر أقير اسمع ماذا قال حاقد قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد هذا الكلام 1434 ذو الحجة إنون سقط الدماج محرم أموا بنكون سقط الدماج فنظر أقير هذا الأيام ستكون من أشد الأيام ذو الحجة لا بريود ذو حج تذكروا اسمع ماذا قال قال فإن أذية الرافضة الحوثيين لأهل السنة مما يستنكره أهل السنة والإيمان هذا كلام واضح قال ومما يجب مساعدة أهل الدماج لعدوان الروافض قاتلهم الله الآن il appelle comme chaque sunni chaque muslim il aime son frère il a appelé à secourir أصحاب أهل الدماج contre le Rawafid. Dès que tu lis ce kalam, tu dis, Jazallah khayr. C'est le wajib de chaque musulman, khas des personnes, mitla ou là, ils sont entendus. Lakin isma, mada sayakoul. Qala amma al-hajouri. Falabud min al-tafriq bayna al-dammaj al-balad. Ahoua, il appelle clairement. Tout le tanakoud qu'on a démontré, ahoua, il appelle le wadih. Qala falabud min al-tafriq bayna al-dammaj al-balad. Wa yadkhul fihim sukkan al-markiz. Donc il faut faire la différence. Dammaj va le diviser en deux. Hajouri et ses suiveurs et le marquis. Cheikh Yahya et ses élèves, ils sont dans les montagnes, ils ne sont pas dans le marquis. Et on va faire la différence entre le Hajouri et ses élèves et le marquis et les habitants. Donc les villageois, c'est eux qui contrôlent le marquis, c'est eux qui donnent les durous. Et Cheikh Yahya et les tolab, c'est devenu les villageois. La'ala qawli. Qui c'est qui va se sadaqa à Dal'a? قال فلا بد من التفريق بين الدماج البلد ويدخل فيهم سكان المركز il oublie un سكان المركز parce qu'il a dit سكان المركز il a pas dit le village سكان المركز c'est les tolab c'est eux qui habitent dans le markiz et les tolab ils sont d'avis dans cette hizbiya ils sont avec Cheikh Yahya si tu n'es pas d'accord avec Cheikh Yahya dans ce point et tu le bêta les tolab ils sont avec lui لكن اسمع قال ويدخل فيهم سكان المركز وبين المبتدع المجرم الحجوري يدي سكلام بنا راجع الآن بنا راجع الشيخ حاء وفقه الله il vient de perdre son enfant ses tolab sont fi shidda il est fi shidda des rawafid أعداء الله اسمع على كلام المجرم قال ومن معه حجارة صماء il fait un jeu de mots avec حجوري ceux qui suivent الحجوري c'est comme des pierres هذا الكلام إن شاء الله نحن le délice pour يوم القيامة قال فيدعي لهم أو فيدعى لهم أي ففيغ دعاء لا تظل الآن إلى فلا فيغ دعاء pour شيخ حيث الزلاف لا يسمع الكلام قال فيدعى لهم ويغاثون ويعانون على عدوهم في الدعاء pour la première particularité ceux qui sont pas avec شيخ حيث قال أما الحجوري وحجارته c'est Allah qui les appelle des pierres قال فهم مبتدع الضلال ضررهم عالمي أي leur mal il est mondial قال وعملوا في السلفيين الفتنة وفرقوا بين كثير منهم بما لم يستطعه الرافضة والخوارج il dit tu fais du'a pour Aula أما الحجوري ses suiveurs leur mal il est mondial, il est plus que le Khawarij al-Rawafid. Qala wa nihlatuhu min asbab tasallut al-Rafid ala ahli Dammaj. Il fait le tafriq wadih. Il dit la cause que Rafida ils ont attaqué Ashab Dammaj et qui sont bien, c'est le Hajouri et c'est Tullab. Rafida ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué les villageois. Ils ont attaqué les sheikhs et les élèves, les annahoum, ils savent qu'ils sont à la haq. La preuve, c'est dès qu'on est sorti de Dammaj, les villageois, ils sont là-bas. Est-ce que quelqu'un leur parle? Abadan. Lakin ghafla. Wa hiqd wa hawa. Qala, falou akhada ahl Dammaj ala yad al-Hajouri. Et si les gens de Dammaj ils auraient pris le Hajouri par la main pour lui montrer le haq, qala wa hijaratu, et c'est Tullab, ça implique tous les Tullab, les annahoum ils sont avec Shikhiya, ala al-haq. Inch'Allah ta'ala, et kadarik kathir min ahli al-bilad ils sont avec Shikhiya. Nous on l'a vu avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Qala lakanu nasirin lillah mustahiqin li nusratillah. Ils auraient pris Shikhiya par la main, ils auraient eu bi'idnillah le secours d'Allah, ils auraient mustahiqin, ils auraient mérité. Amma tant qu'ils prennent pas le Hajouri par la main, ils méritent pas. Masallah al-Aviyah. 14 de Dhul-Hijjah 1434. Kathir min komadhan, ils connaissent pas ce kalam. Yannahoum, on était, à cette époque, on était mashghoul. Lakin, isma. Anta t'es fi ta'b, t'es fi ghiq, t'es fi jihad, bi'idnillah azza wa jal. Lakin, al-hiqd wa al-hasad. Est-ce que ce kalam, l'an, quelqu'un l'a écouté? Voilà, ahad. Nous on lui dit, ayyuha al-haqid, ce que tu prétends l'an, Cheikh Yahya, il est sorti mu'azzad, et on est sorti en écoutant al-hakim, l'an, on n'est pas des khawarij. Haqiqan, notre, ce qui se passait, c'est un rad ala kalam. On est plus dangereux que le rawafid ou le khawarij. On a combattu le rawafid, et notre sortie, c'est le mukhalaf ala al-khawarij. Hada. Et nous bachirou kadalik, il sait quoi hada. Annahu, quand Cheikh Yahya, il est sorti, on est sorti, wallah, alhamdulillah, tête haute. On a fait ce qu'on pouvait, en obéissant au gouverneur. Tout ma Cheikh Yahya, il est parti en Arabie Saoudite, et il a visité l'ulama. Et l'ulama, ils ont accueilli ce mubtadi', comme tu prétends, ant. Ah, alhamdulillah, hada, il a aucun poids. Hada, il a aucun poids. Akbar min, ou a'lam min. Ils ont parlé, walillah, alham, ça n'a pas changé grand chose. Ma balouk, hada. Khasatan, pendant la guerre, ça a été ar alayhi. Amma, même Cheikh, vous avez remarqué, il n'a pas parlé, il n'a pas répondu. Ah, peut-être, on était occupé, walan, on est occupé. Nous citons ça pour montrer le tanaqud et le hiqd. Qu'est-ce qu'ils vont dire après tout ça? Nous, après tout ça, la chèque de la Cheikh Yahya a répondu. Quand on dit après tout ça, Kalam Cheikh Ubaid, ma Kalam Oussama, Al-Utaibi, c'est il n'y a pas longtemps, pendant la guerre. Nous, on parle de Kalam de Cheikh Ubaid, tout ce qui s'est passé. La chèque de la Cheikh Yahya a répondu. Il a répondu, beaucoup. Walillah alhamd. Il s'est défendu, il a démontré le haqd. Après tout ça, ils disent, mais Cheikh Yahya, il attaque. Et il a insulté et il a mal parlé de Cheikh Ubaid. Nous on dit, ittaqullah, vous avez suivi l'an, ce qu'on vient de dire. Tout ce qui s'est passé, tout le kalam. Al-an, est-ce que Cheikh Yahya a le droit de parler et de se défendre? L'achète. Qala Azza wa Jal. Lakin avant de citer nous l'adil, l'an, l'abud, que celui qui parle, Cheikh Yahya ou autre, bi'ad. Ah, c'est l'abud. T'as pas le droit d'inventer, t'as pas le droit de mentir, t'as pas le droit de dire une chose qui ne s'est pas passée. Là, قال عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا لا بد العدل. Est-ce que كلام الشيخ عبيد أن الشيخ هاي تخبيه سمين العدل أنه يسافر عبيد سمين العدل أنه إلى بعيد نشأة علمية سمين العدل. Est-ce que كلام عتيبي هذا سمين العدل. Est-ce que tu as entendu un savant de la Sunna, que ce soit Cheikh Rabi, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Attab, Cheikh Suhaimi, dire من هذا الكلام. Pas un كلام qui a sa place. أبدا خاصة في هذا الوقت. لكن الصالحون ils ont fait du'a على مثل هذا القائل. Ils ont fait du'a وحق لهم يفون du'a أنهم ils sont مظلومين وهذا يغجل. نعم. وقال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم. Et si un peuple il t'a fait du mal, peuple, que ce soit une personne, deux ou plusieurs, ils te font du mal, ça ne doit pas te pousser à manquer de adl. Abadan. Allah ta'adilu. Bel, Allah subhanahu wa ta'ala amra bil adl. Hatta bi hadha al-hal. I'adilu. Huwa aqrabu lit taqwa. Thumma qala azza wa jalla wattaqullah. Ay khani Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah il sait ce que tu dis. Allah il sait ce que tu as dans le cœur. Allah il sait ce que tu manigances. Fattaqillah. Lakin, si quelqu'un t'attaque, comme l'histoire, Cheikh Ubaid et Cheikh Yahya, ce qui s'est passé. Le Jami'a. Cheikh Yahya a répondu, bref. Il lui a démontré. Tumma, des insultes. Ahmaq, safi, salit al-lisan. Cheikh Yahya a répondu, yajouz là, c'est mashrou. La taqoulou, Cheikh Yahya, yat'an fil ulama. Là. Là. Et dites pas, Cheikh Yahya, celui qui a commencé, qui a attaqué Cheikh Obeid. Là. Haq, c'est matlou. قال عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء واحد يتكلم بكلام يطعن في أخيه أو لا لا يحب هذا إلا من أنكر قال عز وجل إلا من ظلم sauf celui qui a subi une injustice et a le droit de se défendre يتكلم et il répond il s'est fait insulter il répond هذا فسين فائدة Anna-Bardanaz, il pense que celui qui répond, il n'est pas à la hâte. Abadan. Si une personne a été injuste, t'as le droit. T'as le droit, parle. Ahsan minah, c'est le sabre. Kama ça yati. Lakin, si tu réponds, tayyib, c'est mashrou'. Bal, Allah yuhib hada. Inna qala la yuhibu Allah al-jahra bis-su min al-qawl, illa man dhalim. Sauf dans ce cas, Allah yuhib hada. Tu te défends. Anna, nous, on n'est pas des chrétiens. On prend une gifle, la joue droite, on prend la gauche. Abadan. Anna, on applique mitla hada. On répond. On répond. Et entre nous et ceux qui khalaf, al-kitab ou sunnah. Wa qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, inna li sahib al-haq maqala. Il a le droit de parler. Qala al-shaykh Sa'di rahmatullah alayhi, yukhbiru Allah ta'ala. Il fassare cette aya. Cette aya qu'on a cité. Min tafsir. Surat An-Nisa. Verset 148. Tafsir shaykh Sa'di. Qala yukhbiru Allah ta'ala annahu la yuhibbu al-jahra bis-su min al-qawm. Allah, il déteste. Il n'aime pas ça. الجهر بالسوء parler mal قال إلا on اختصر الكلام وقوله إلا من ظلم أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء يجوز c'est un كذاب c'est un كذاب tu réponds par rapport à ce qu'il a fait يجوز انتبهوا التمييع بعض الناس dès que واحد يريبون il est dur il لا لا on revient à كتاب السنة il se défend il a حق Allah subhanahu wa ta'ala il va donner ce haq et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fata pas le droit de dire un tel. Abedin. Qala va innahu yajouz lahu an yad'u ala man zalama wa yashtaki min wa yajhar bissu li man jahara lahu bih min ghayri an yakzib alay wa la yazid ala man zalamatin. Sans mentir et sans rajouter. Il se défend yajouz lah. Anta si wahid il te fait du mal, yajouz lah que tu te défends. Yajouz lah que tu réponds. Qala wa ma'a dhalik. فعفوه وعدم مقابلته أولى كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Celui qui patiente et se tait et il répond pas, هذا إن شاء الله أجره على الله. بقي مسألة. Si la réponse c'est pour démontrer un حق, t'es obligé de montrer. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان. نعم. Ça, le حق, t'es obligé de montrer. Lakin, si c'est une chose personnelle. واحد vient maintenant entre toi et lui dans la rue. Il dit t'es un kadha. Tu patientes. Pas parce que t'as peur ou là. لأن tu veux appliquer cette aya. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Tu le laisses et tu pars. الأجر العظيم عند الله. أما si ça fait un mal vers des autres, t'es obligé de montrer. هذا. Et Cheikh Yahya l'a montré. Mais Cheikh Yahya l'a pardonné. تذكرون les redoutes qu'on a lues au début في الجامعة. Il a dit عفا الله عنك يا Cheikh Ubayd. ثم il est revenu. ثم il a répondu. فهذا. صلى الله سبحانه وتعالى الثبات قال عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قال عز وجل وإن عاقبتم أي si vous voulez punir une personne qui vous a fait du mal فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به t'as le droit comme il t'a fait il t'a attaqué tu l'attaques il يجوز لك c'est مشروع شرعا قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين avec le tafsir المذكور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك مع تحيه دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين